J'peux pas dire que la vie est belle comme Solar, j'suis différent parce que pas fashion et que mes sables sont larges. Parce que moi quand j'rappe, j'glorifie pas la rue la thèse. Parce que j'fais des études S différents et je la teste. Parce que j'ai ce visage mystérieux, toujours froid, jamais heureux. Parce qu'au final j'ai pas peur d'eux, que j'me vends pas pour des euros. Parce que depuis que j'suis tout petit, j'ai jamais eu la bonne tête. J'ai affiché dans toute ma ville que mon bonheur est wanted. Parce que le respect c'est une valeur première chez moi mais pas chez eux. Parce que j'ai jamais su rester en place, assis sur une chaise. Parce que j'ai pas la bonne pensée, le beau reflet dans le miroir. Et que je suis pas dans les normes, ni esclave, ni roi. Tous ces bâtards, ils aiment tromper. On dirait que c'est leur culture, j'ai trop de valeur, je ferai jamais ça. Même pour une culbute, sortir du lot, c'est ça le but. Toujours refuser d'être commun, mais putain, regarde-moi bien et dis-moi si je suis comme eux. Parce que je colle pas, que j'adhère pas à toutes leurs normes. Parce qu'en vérité, je préfère largement le fond à la forme. Parce que leur monde nous plaît pas, que nous on voulait pas tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser. Parce que je colle pas, que j'adhère pas à toutes leurs normes. Parce qu'en vérité, je préfère largement le fond à la forme. Parce que leur bande nous plaît pas, que nous on voulait pas tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser. Différent parce que quand je vois une meuf, je regarde d'abord son visage. Parce que j'essaie toujours de couper à travers champ quand y'a un virage. Parce que je suis toujours en marge du large. Parce que je suis le premier qu'on virera. Parce que dans mes textes, j'aime pas trop parler de cheat. Parce que j'aime pas ces meufs relous qui finissent leur phrase par cheat. Parce que j'ai pas la gueule, je suis pas bad boy comme Joe Star. Parce que personne ne m'a connu à l'époque où je prenais le trombé le soir. Parce que j'ai jamais eu ce qu'il y a d'autre côté de la vitrine. Parce que je suis perdu entre le Val d'Oise et les Yvelines. Parce qu'on me comprendrait mieux si je rappais une ghetto life fictive. Parce que vous êtes les assassins, mais que jamais je serai la victime. Parce que leur monde nous plaît pas, que nous on voulait pas tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser. Parce que moi la cote, j'ai jamais su ce que c'est. Parce que sur ma feuille, c'est de la peine qui s'est esquissée. Parce que je colle pas, que j'adhère pas à toutes leurs normes. Parce qu'en vérité, je préfère largement le fond à la forme. Parce que leur monde nous plaît pas, que nous on voulait pas tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser. Parce que je colle pas, que j'adhère pas à toutes leurs normes. Parce qu'en vérité, je préfère largement le fond à la forme. Parce que leur bande nous plaît pas, que nous on voulait pas tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser. Différent, négatif. Ok. Comme d'habitude. Ok. Parce que je colle pas, que j'adhère pas à toutes leurs normes. Parce qu'en vérité, je préfère largement le fond à la forme. Parce que leur monde ne plaît pas, que nous on voulait pas de tout ça. Parce que je sais que je vais mourir à force de tousser.